بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في هذه السلسلة الجديدة في شرح وصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. On commence aujourd'hui cette nouvelle série dans l'explication des fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. فألف المؤلف رحمه الله هذه الرسالة في بيان أدلة الإيمان. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a écrit ce livre pour montrer les preuves liées à la foi. قال العلامة الفوزان حفظه الله فقال الشيخ أصول الإيمان أي أدلته لأن الأصل عند الأصوليين هو الدليل ففي هذا الكتاب ذكر الشيخ أدلة الإيمان من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc le cheikh, le très savant Al-Fawzan, Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il nous dit que la parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, lorsqu'il dit « Usulul Iman », les fondements de la foi, ce qui est voulu par là, ce sont des preuves liées à la foi. Car « Al-Aslu », le fondement, chez les savants du Usul, cela signifie « Ad-Dalil », cela signifie la preuve. La preuve. Et donc dans ce livre, l'auteur, il va citer, le cheikh, il va citer les preuves liées à la foi en se basant sur des hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Wal imanu qawlun wa amal wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Et la foi chez les gens de la sunna, on a déjà vu une parole, et des, donc c'est la parole et les œuvres, ainsi que la croyance. Cette foi qui augmente avec l'obéissance et qui diminue avec les péchés. Qui diminue avec les péchés. Akhraj al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Hurayra radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. البخاري ومسلم cité dans leur recueil الصحيحين selon أبي هريرة رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi se compose de un peu plus de 60 branches. »« Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah » La meilleure de celles-ci est la parole « La ilaha illallah » Et la plus basse, donc la branche la plus basse, est le fait de retirer ce qui dérange sur le passage. Et la pudeur est une branche de la foi. Fin de citation. Fa qawlu la ilaha illallah hadha huwa al-qawlu fil iman. Et donc la parole la ilaha illallah, c'est ce qui est donc la parole dans la foi. Wa imatatul adha 'an at-tariq, c'est ce qui est hadha huwa al-'amal, le fait de retirer ce qui gêne sur le passage, c'est ce qui est donc les œuvres des membres. والحياء عمل قلبي الى pudeur fait partie des œuvres du cœur. قال الامام البخاري رحمه الله لقيت اكثر من 1000 رجل من العلماء بالانصار فما رايت احدا منهم يختلف في ان الايمان قول وعمل ويزيد وينقص. الامام البخاري رحمه الله, il dit, j'ai rencontré plus de 1000 hommes parmi les savants dans les pays, dans tout lieu. Et je n'ai vu aucun d'entre eux qui diverge quant au fait que la foi, c'est la parole et l'acte. Celle-ci, elle augmente et elle diminue. La parole et l'acte. Ici, vous constatez que l'imam al-Bukhari, il n'a pas cité l'i'tiqad, la croyance. Pourquoi ? Parce que cela est déjà voulu dans sa parole. Qawlun wa amel. Les ulema, ils vont dire aussi parfois qawlun wa amel. Ils ne vont pas dire qawlun wa amel wa i'tiqad. Parce que quand ils disent qawlun wa amel, cela englobe l'i'tiqad. Qawlun, c'est-à-dire qawlul kolbi wa qawlul lisan. La parole du cœur et la parole de la langue. La parole du cœur, la croyance. Et la parole de la langue. Wa amalun, amalul kolbi, wa amalul jawarihi, wa lisan. Et les œuvres, donc les œuvres du cœur, les œuvres de la langue et des membres. Et donc ici, pas besoin de répéter l'article de la croyance, parce qu'ils veulent déjà dire par là la croyance. Et donc cette croyance, c'est cette foi qui augmente et qui diminue. Ra'ina fi sharhi al-lamiyya al-mansouba ila sheikh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah أن الخوارج والمعتزلة خالفوا في هذا الأمر وقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. Nous avons vu dans l'explication de Al-Lamiyyah qui est attribuée à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. On avait vu précédemment donc que les khawarij ainsi que les mu'tazila, ils ont contredit Ahl Sunna concernant ce fondement. Et ils ont dit que la foi comporte donc des paroles et des actes et une croyance. وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ الْإِيمَانِ يَزِيدُ وَيَنْقُسُ. Ils n'ont pas dit que la foi augmente et elle diminue. وَذَلِكَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ عِنْدَهُمْ لَا يَتَجَزَّأْ فَإِذَا ذَهَبَ بَعْدُهُ ذَهَبَ الْكُلُّ. Et ceci parce que la foi chez eux, chez les Khawarij et les Mu'tazila, la foi selon eux ne se divise pas en plusieurs parties. Et donc si la foi, elle part, alors elle part entièrement. Et donc tout cela, on l'a expliqué clairement donc dans l'explication de Al-Lamiyyah. C'est pour ça que dans ce livre, Usul al-Iman, les sujets qui ont déjà été abordés et détaillés, je vais faire allusion à ces sujets, inshallah ta'ala. Je vais les citer vaguement et vous inciter à revenir vers l'explication qui a déjà été faite de façon détaillée dans l'Amiya, bi'idhnillahi ta'ala. Wa ra'ayna aydan anna al-murji'ata khalafu fi hadha wal murji'atu asnaf. On a vu aussi que al-murji'a, ils ont aussi contredit Ahl Sunnah wal Jama'a dans ce point. Et Al-Murji'a se divise en plusieurs groupes. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانِ هُوَ مُجَرَّدُ الْمَعْرِفَةِ. Il y a parmi eux, parmi les groupes de Al-Murji'a, ceux qui disent que la foi, c'est juste le fait de connaître. C'est juste le fait de connaître l'existence d'Allah Ta'ala. وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يَكُونَ إِبْلِيسِ mu'minan imanan kamilan. Et cette parole, cette croyance qu'ils ont dans les murji'a, ce groupe parmi les murji'a, cette croyance-là implique, selon leur croyance, que Iblis est une foi complète. Il sait que Allah tabaraka wa ta'ala, il existe. Wa minhum man yakulu huwa at-tasdiqu bil qalb. Il y a parmi eux ceux qui disent que la foi, c'est juste le fait de croire avec le cœur. C'est tout. Et donc, ils ne font pas rentrer les œuvres, ni la parole, dans la foi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ هُوَ مُجَرَّدُ قَوْلِ اللِّسَانِ. Il y a parmi eux, donc troisièmement, ceux qui disent que la foi, c'est juste le fait de prononcer avec la langue. وَهَذَا الْقَوْلِ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ مُؤْمِنُونَ إِيمَانًا كَامِلًا. Et cette troisième parole, le fait de dire que la foi, c'est juste le fait de prononcer la parole, ce troisième avis implique que les hypocrites aient une foi complète. Parce qu'ils prononcent avec leur langue. Ils prononcent la ilaha illallah. Pourtant, ils font la guerre à l'islam et aux musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit que les munafiqines fi darkil asfali minan nar, dans le plus bas degré de l'enfer. Mais par contre, les murji'a, leur croyance implique qu'ils aient une foi complète. Wa minhum man yakulu huwa tasdiqul qalbi wa qawlul lisan wa hadha aydan batilun kama bayyana. Et il y a aussi parmi eux, donc quatrièmement, donc parmi les murji'a, ceux qui disent que la foi, c'est la croyance par le cœur et aussi la parole de la langue. Et cette croyance aussi, donc, elle est erronée. Cette croyance aussi est caduque, comme nous l'avons expliqué clairement dans l'explication de l'Amiya attribuée à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. طيب واما من امن بقلبه ولسانه ولم يعمل بجوارحه فهذا محل خلاف بين اهل العلم كما اثبته الامام ابن باز رحمه الله فمن اهل السنه من يكفره ومنهم من لا يكفره. En ce qui concerne le cas de l'individu qui a cru avec son cœur et donc est avec sa langue, mais par contre qui n'a pas œuvré avec ses membres, il n'a pas œuvré avec ses autres membres, alors ce cas-là est un cas de divergence chez les gens de science, chez les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, comme l'a affirmé l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Et donc il y a parmi les gens de science, de Ahl Sunna, ceux qui vont dire que cet homme est incroyant, et ceux qui ne vont pas le taxer d'incroyant. Cet homme qui a cru avec son cœur et avec sa langue, certains parmi les savants de Ahl Sunnah vont donc le taxer d'incroyant et d'autres qui ne vont pas le taxer d'incroyant. Wa fi sahihi Muslim, anna Allah ta'ala yukhrij min an-nar qauman lam ya'malu khayran qatt. Il y a dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullah sahih que Allah tabaraka wa ta'ala fera sortir du feu des gens qui n'ont rien œuvré de bien. Lam ya'malu khayran qatt, qui n'ont rien œuvré de bien. Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, wal murad bi qawlihi lam ya'malu khayran qatt min a'mal al-jawarih. من أعمال الجوارح وإن كان أصل التوحيد معهم. L'imam Ibn Rajab rahimahullah, il dit en expliquant ce hadith, il dit ce qui est voulu par la parole لم يعملوا خيرا قط, ils n'ont jamais œuvré de bien. Ce qui est voulu par là, c'est les œuvres des membres, les actes des membres, même si ils ont avec eux la base du tawhid. La base du tawhid. Et donc ici, il ne les a pas taxés d'incroyants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont avec eux la base du tawhid. Mais ils n'ont pas œuvré. Et donc il ne les a pas taxés d'incroyants à cause du fait qu'ils n'ont pas œuvré. فَالْمَسْأَلَةُ اِخْتِلَافِيَةٌ بَيْنَا Ahl Sunnah. Et donc ceci est une divergence qu'il y a entre les savants de Ahl Sunnah. لكن أهل الأهواء من الحدادية ومن سلك مسلكهم يطعنون في العلماء كأمثال الشيخ ربيع. والشيخ الألباني رحمهما الله على أنهما مرجئان، مع أن هذين العالمين من أشد الناس دفاعا عن السنة وأكثرهم في الرد على أهل البدع ومنهم المرجئة، فكيف يقال إنهم من المرجئة؟ Cependant, il y a des gens de la passion parmi les Haddadi et ceux qui ont suivi leur voie, qui vont critiquer des savants de Ahl Sunnah, tels que Sheikh Al-Albani, rahimahullah, et Sheikh Rabi', rahimahullah, en les taxant de Murji'a. Alors que ces deux savants, ils font partie de ceux qui défendent le plus la sunna et de ceux qui vont le plus répliquer aux gens de l'innovation, et parmi les gens de l'innovation, al-murji'a. Alors comment pouvons-nous dire qu'ils sont murji'? On a vu les différents groupes de murji'a. On a vu, je les ai cités. فَإِنَ رَأَيْتُمْ أن هذين العالمين يقولان إن العمل ليس من الإيمان. Où voyez-vous que ces deux savants, ils voient que les œuvres, ils disent que les œuvres ne font pas partie de la foi. Où avez-vous vu ça? Où avez-vous vu ces deux savants dire que les œuvres ne font pas partie de la foi? Ceci est un mensonge sur Ahl Sunnah wal Jama'a. Ceci est un mensonge sur les savants. Cheikh Rabi', il fut interrogé concernant Tariq al-Amel, celui qui n'œuvre pas. Cheikh Rabi', il a répondu en disant Ana ata'ajjabu min hadha su'al. Je suis surpris de cette question. Pensez-vous que nous disons que les œuvres ne font pas partie de la foi? Pensez-vous cela de nous? Ceci est un mensonge, ayyuhan nas. وكذلك جاء بعض المصحفقة فقالوا إن تارك العمل بالكلية من قال عنه إنه مسلم فهذا إرجاء. Et aussi il y a certains musafiqa, donc le nouveau groupe qui est apparu récemment, qui nous disent que celui qui n'accomplit pas d'œuvre, n'accomplit pas d'action des membres. Celui qui parle de lui en disant que c'est un musulman, alors celui qui dit que c'est un musulman, celui qui dit que la personne qui délaisse les œuvres est un musulman, ceci est un murji. Ça, c'est la parole donc de certains des musafiqa. C'est un murji. وهذا القول طعن في أئمة من أئمة السنة الذين قالوا بأن ترك العمل لا يكفر. Et cette parole, c'est une critique. Cette parole, c'est un dénigrement des imams parmi les imams de la sunna qui voient que celui qui délaisse les œuvres n'a pas mécru. Parce qu'il y a des imams de la sunna qui voient que celui qui délaisse les œuvres, il n'a pas mécru. Aujourd'hui, tu viens, tu dis, la personne qui ne le taxe pas d'un mécréant, eh bien, c'est un murji. Et donc tu taxes les imams de la sunna de murji'a. Comme Ibn Rajab, rahimahullah. Ou alors l'imam Ahmed, selon une de ses deux narrations, rapportée de lui. Ou d'autres. والمسألة خلافية بين أهل السنة كما ذكرته لكم. Et ce sujet est un sujet de divergence entre les gens de la sunna, comme je vous l'ai cité précédemment. فتنبهوا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الطَّاعِنِينَ عَلَى أَئِمَّةِ السُنَّةِ. Alors, faites attention et ne faites pas partie de ceux qui vont dénigrer les imams de la sunnah. فَقَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدْ إِبْنُ عَبْدَ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهِ. Et donc, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi asta'in, babu ma'rifatillahi ta'ala, wal imani bih. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et c'est à lui que j'implore l'aide. Le chapitre, donc le premier chapitre, lié à la connaissance de Allah le Très-Haut, ainsi que la foi en lui. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirki man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah rawahu muslimun intaha. Et donc, après avoir cité le nom du chapitre, l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, il nous cite le premier hadith selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah le très haut a dit: je suis celui qui se passe le plus du polythéisme, quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'accorde quelconque associé, je le délaisse, lui ainsi que son polythéisme. Rawahu Muslimun. Le hadith a été rapporté par Imam Muslim. Fin de citation. فبدأ المؤلف كتابه بمعرفة الله تعالى لأهمية هذا الأمر. Et donc l'auteur, il a commencé son livre par la connaissance d'Allah le Très-Haut, d'où l'importance de ce sujet. أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته. Que le serviteur connaisse son Seigneur par ses noms et ses attributs. وفي الحديث إثبات الكلام لله تعالى. Il y a dans le hadith le fait d'affirmer que Allah le Très-Haut, il parle. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit قال الله تعالى. Allah le Très-Haut a dit. Allah le Très-Haut a dit. وفي الحقيقة نتعجب من قوم أنكروا صفات الكلام مع كثرة الأدلة الموجودة في الكتاب والسنة. Et en réalité, nous sommes surpris de voir ceux qui ont rejeté l'attribut de la parole à Allah tabaraka wa ta'ala, malgré le grand nombre de preuves qu'il y a sur ce sujet dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ قِصَّةَ مُوسَى وَقَوْمِهِ وَقَوْنَهُمْ عَبَدُوا صَنَمًا فِي غِيَابِ مُوسَى. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité l'histoire de Moussa et de son peuple, Allah tabaraka wa ta'ala donc a cité l'histoire de Moussa et de son peuple, et le fait que ceux-ci, ils ont adoré donc une statue en l'absence de Moussa. Allah ta'ala a répliqué à leur acte et il a dit afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Ne voit-il pas qu'aucune parole ne revient vers eux? Lorsqu'il s'adresse à cette divinité, aucune parole ne revient vers eux, Cette divinité ne parle pas. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Et celle-ci, donc, ne détient rien qui puisse leur faire du mal ou leur être profitable en quoi que ce soit. فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ هَذَا الصَّنَمْ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَأَيْضًا لِكَوْنِهِ لَا يَتَكَلَّمُ. Et donc Allah Ta'ala, il a montré dans ce verset que cette statue ne mérite pas l'adoration parce que elle ne détient pas, elle ne possède pas ce qui peut leur être profitable ou ce qui peut leur faire du tort, mais aussi parce que cette statue ne parle pas. Et donc elle ne mérite pas l'adoration. Pourquoi ? Parce qu'elle a des défauts. Parmi ses défauts, elle ne parle pas. فَعَدَمُ الْكَلَامِ دَعْفٌ وَنَقْسٌ فَأَنْكَرُوا صِفَةَ الْكَلَامِ أَرَادُوا الْفِرَارَ مِنَ التَّعْنِي فَوَقَعُوا فِيهِ. Et donc ils ont rejeté Ahl al-Bida. Ils ont rejeté l'attribut de la parole concernant Allah Ta'ala. Ils ont voulu fuir. Ils ont voulu éviter le dénigrement concernant Allah. Et ils sont tombés dans le dénigrement. J'ai entendu un audio d'un jeune, il n'y a pas si longtemps, un jeune qui critiquait un de nos frères Talib Ilm, qui disait, « Aoudou Billah, comment pouvez-vous dire que Allah il a tel et tel attribut? Comment pouvez-vous? Aoudou Billah, qu'est-ce que c'est? Oh, Subhanallah !» Et donc il veut fuir du dénigrement. Parce qu'il n'a pas compris ce que c'est que le dénigrement. وكذلك في الحديث أن الله تعالى هو الغني. Il y a aussi dans le hadith le fait que Allah, le très haut, c'est lui le riche, celui qui se passe de tous. Allah Ta'ala qui dit dans son livre, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh Jean, vous ne pouvez vous passer d'Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Vous avez besoin d'Allah. Et Allah, c'est lui qui se dispense de tout. Et il est le digne de louange. وكذلك في الحديث أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. Il y a aussi dans le hadith le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il n'accepte parmi les œuvres que ce qui est spécifique et propre, que ce qui est spécifique pour lui, ce qui est fait pour lui seul. وفيه الخوف من الشرك لأن الله ذكر في الحديث أنه يترك العمل والعامل. Il y a aussi dans ce hadith la crainte quant au fait de tomber dans le polythéisme. Car Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans ce hadith le fait qu'il délaisse l'acte de polythéisme, l'acte qui contient du polythéisme, et il délaisse aussi la personne qui a accompli cet acte. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver de toute forme de polythéisme et de nous placer sur la voie droite. Il est capable de toutes choses. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On continue cette série la semaine prochaine. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khayra.